Vous habitez dans le quartier ? Pas du tout. Vous habitez où ? Bon, j'habite en Lorraine, à Thionville. Est-ce que vous trouvez que le collège est bien ? Celui-là ? Oui. Ouais, moi je suis, on est passé l'autre jour, on allait à Lille, là, on est passé il y a deux jours. Et ouais, je trouve que c'est beau. Est-ce que vous auriez aimé avoir quelque chose d'autre que le collège ? Ici ? Oui. Non, moi je trouve que c'est bien ici. Vous avez le canal pour faire du vélo. Vous avez un peu de nature autour, vous avez un beau collège. Moi j'ai vécu ici quand j'étais jeune, j'ai vécu à Tourcoing, à la Cité des Francs. Alors je connais bien un peu tout ce quartier-là et je trouve que c'est pas mal ici. Moi quand je passais ici, quand j'étais gamin, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de collège, il y avait des maisons comme ça partout. Est-ce que vous aimiez qu'il y aurait quelque chose d'autre à la place du collège ? À la place du collège ? Je sais pas, je trouve qu'il est bien le collège, non ? Vous vouliez quoi, un parc de jeux, un Disneyland, une salle de sport. La salle de sport. Il n'y a pas de salle de sport, non ? Il y a une cour, il y a un truc, vous pouvez faire un peu d'exercice. Bon, c'est une salle. Là, on va retourner, on va aller à Bruxelles, après on va redescendre à Namur, et on va prendre le vélo route 5 pour retourner jusqu'au Luxembourg, et là on prend le train pour retourner à Thionville. Ça fait... À l'aller, on a fait 450 km en fait. Wow. Et vous n'êtes pas en patinée. Ça fait du bien de faire du sport. C'est parce qu'on fait du sport. Ouais. Parce qu'on fait du sport. Et puis voilà. Et puis parce qu'on est vieux, on a l'endurance. Attention. Merci monsieur.